professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi avoir recours à l'exorcisme, à sa force de conjuration des malédictions, tel un Henri Michaud face aux malheurs de la guerre entre 1940 et 1944, qui ressuscite cette forme de résistance de l'esprit? Et aujourd'hui, tel Pierre aux Envalons, face aux périls et aux désenchantements qui touchent la démocratie. Comment armer efficacement notre volonté, dépasser notre sentiment rampant d'impuissance? Comment articuler le temps long de l'histoire de l'émancipation, avec ses progrès mais aussi ses promesses non tenues, et celui plus court de la rupture du laboratoire politique et philosophique des années post-1968, alors que les débats autour de la commémoration du cinquantenaire des événements de mai nous agitent ou nous stimulent? Comment concevoir enfin le piétinement à partir de l'essoufflement politique des années 1980? Nous retrouvons cette semaine Pierre aux Envalons, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, qui nous propose de retrouver le chemin, et je le cite, « des enthousiasmes et des explorations de 1968 à nos jours, de s'inscrire à rebours d'un fatalisme morose et désabusé », comme il le disait en ouverture de sa série l'an dernier, intitulée « Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique ». Et c'est le deuxième cycle qui s'ouvre aujourd'hui. Serge Audier, présentant Pierre aux Envalons comme un intellectuel face aux urgences du présent, dans un article publié dans le journal Le Monde en 2015, rappelait comment la formule trotskiste « l'histoire nous mord la nuque » qui circula après mai 68 revient sous sa plume. Mais il notait déjà, avant que Pierre aux Envalons la sollicite à nouveau en ouverture de son cours, et aujourd'hui, consacré donc au laboratoire des années post-68 au Collège de France, et je vous renvoie au premier cycle de cette série l'an dernier, sans doute cette formule n'a-t-elle plus ici le sens que fut le sien en pleine ferveur révolutionnaire. Mais elle témoigne de son sentiment persistant qu'un travail intellectuel est requis pour répondre aux urgences du présent, en l'occurrence, un malaise démocratique palpable et la montée des populismes autoritaires. Serge Audier mettait aussi en valeur dans le même article la perpétuelle articulation entre investigation savante et implication dans les affaires communes chez Pierre aux Envalons, selon qu'il s'agit de livres d'intervention destinés à un très large public, comme La crise de l'État-providence, publiée au Seuil en 1981, ou bien de vastes fresques historiques et philosophiques sur la démocratie dans ses multiples expressions. Mais c'est toujours un souci civique qui les anime, donnant, notait encore Serge Audier, une saveur particulière à cette œuvre inclassable, ni purement historique, ni sociologique, ni classiquement philosophique. D'ailleurs, dans un ouvrage consacré à son propre travail, La démocratie à l'œuvre, publié au Seuil en 2015, Pierre aux Envalons, qui est passé d'HEC à la CFDT, puis à l'EHESS avant d'arriver au Collège de France, explique, et je le cite, « Je suis devenu universitaire pour apporter une réponse plus solide à mes questions matricielles autour de l'entropie démocratique et de l'égalité sociale. Un universitaire d'ailleurs atypique, puisque je n'ai jamais enseigné au sens de donner des cours. Mon élection 1983 à l'école des hautes études en sciences sociales EHESS, puis au Collège de France en 2001, deux institutions particulières, m'a donné pendant plus de 30 ans la possibilité de concevoir mes enseignements comme une mise à l'épreuve publique des livres en cours. C'est donc aussi en tant que témoin et acteur que se déploie aujourd'hui la vaste fresque historique et politique que nous ouvrons. Si les mots d'aujourd'hui étendent leur ombre sur l'ouverture de ce cours, nous retrouvons le fil des événements laissés en suspens l'an dernier au moment de l'essoufflement du désenchantement des années 1980. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 10 janvier dernier pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, Épreuves et exorcismes, première partie. Épreuves, exorcismes. J'ai choisi de donner à l'introduction de cette année le titre de ce recueil d'Henri Michaud, car il n'a cessé depuis de longues années de me hanter et de m'interroger. C'est le chant lancinant et douloureux d'un vertigineux malheur, dont les bornes mentionnées dans le titre, 1940-1944, suffisent à indiquer la nature. Un chant qui parle d'abattement général, de vie de taupe, de ratatinement angoissant, d'impossibilité de divorcer avec le malheur, de nuque qui se baisse. Il est celui d'une voix captive, d'un monde dans lequel, je le cite, « les hommes marchaient dans le tunnel, tendant le poing à leur passé ». Une voix qui étouffait dans un Paris qui était devenu, selon ses termes, la capitale à la foule endormie, la cité du temps interrompu, le pays du manteau et de l'ombre. Ces épreuves n'ont pas été les miennes. Je n'ai pas été le témoin de ces flammes de destruction qui forgeaient alors une humanité au regard crevé, selon ses termes, et qu'il a parqué cette humanité dans la compagnie des monstres. Et surtout, je me suis toujours méfié de la tendance à uniformiser les malheurs, car c'est toujours une façon de banaliser les plus extrêmes d'entre eux. Il ne faut pas cependant, à l'inverse, prétendre prétexte des cataclysmes pour ne pas s'interroger sur les gros temps plus ordinaires, car il y a bien des épreuves plus diffuses, des amertumes et des déceptions qui rétrécissent aussi le monde et les existences, des renoncements autant que des promesses non tenues qui rendent la terre plus inhospitalière et les sociétés plus inégales et plus violentes. Nous n'avons pas besoin de nous imaginer retournés en barbarie ou réduits en esclavage pour vouloir changer le monde. Notre expérience présente est de cet ordre, avec les régressions qu'elle charrie et les menaces inédites qu'elle dessine. Notre tâche est de nous y confronter avec détermination. Et c'est là que Michaud a été un allié substantiel. Face aux épreuves, lançait-il, une des choses à faire, l'exorcisme. L'exorcisme comme pratique de résistance, instrument de conjuration du malheur, comme sacrement même, pourrait-on dire, si on se rappelle qu'en bonne théologie, le sacrement se définit comme un signe efficace, un rite producteur d'effets réels. L'exorcisme, dit-il, réaction en force, en attaque de bélier, est le véritable poème du prisonnier. C'est ce qu'il disait dans l'introduction de son recueil. Et il distinguait deux sortes d'exorcismes. L'exorcisme par ruse, le plus commun, celui des poèmes de délivrance qui apaisent l'esprit en alimentant des rêves éveillés, celui aussi des pensées pour s'en sortir, selon sa formule. C'était là pour lui des moyens de tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile, de se délivrer d'emprise avec des mots qui rendent la réalité moins menaçante parce que plus appropriable. Des mots qui, avec leur puissance de commandement du réel, donnent au lecteur le sentiment de désensorceler la fatalité et de briser les dépendances. Mais il fallait, pour Michaud, un exorcisme plus fort pour accomplir la tâche, un exercice qui aiguise plutôt l'esprit, qui produise, écrivait-il, une exaltation telle, une si magnifique violence unie au martèlement des mots, que le mal, progressivement dissous, est remplacé par une boule aérienne et démoniaque, état merveilleux. Un élan, dit-il encore, un élan en flèche, fougueux et comme suprahumain, de cette nature, fait alors de ce poète augmenté une sorte de chaman. Il parle d'ailleurs significativement dans ce texte de la capacité à combattre magiquement la réalité et ce qu'il convient de refouler et qui peut faire aller jusqu'aux expériences équivalentes pour le lecteur à celles des paradis artificiels dont on sait qu'il a été familier. Cette approche radicale des tâches de la poésie suggère bien qu'elle est le laboratoire de la langue et le laboratoire des émotions, et que sa lecture est une des modalités les plus fortes de l'expérience humaine, en augmentant la présence au monde et en offrant simultanément aux hommes et aux femmes une capacité accrue de résistance à l'œuvre des ténèbres. Mais, lisant Michaud, j'ai aussi été obsédé par l'idée que cette tâche de la poésie devait aller de pair avec une entreprise d'exorcisme proprement politique, pour conjurer les fatalités et accroître le champ des possibles. L'ennemi est dans ce cadre celui d'un sentiment rampant d'impuissance. Qu'il soit avoué comme tel ou dissimulé, derrière la formulation d'une critique du monde qui rend impensable sa subversion. Et je reviendrai plus loin longuement sur les usages et les fonctions de la dénonciation de l'hydre à 100 têtes du néolibéralisme dans cette perspective. L'histoire nous inflige aujourd'hui un long cortège de déceptions et nous mord plus que jamais la nuque. Mais nous restons en même temps comme tétanisés. Nos désenchantements et nos colères se conjuguent en effet avec un sentiment d'impuissance, comme si une vague trop haute nous empêchait de reprendre pied sur le rivage. Une telle impuissance n'est pas seulement, ou pas d'abord, la fille d'une sourde fatigue ou d'un coupable renoncement. Elle fait au plus profond système avec une difficulté à interpréter l'état du monde, à l'insérer dans une histoire qui donne sens aux épreuves et aux échecs qui se superposent. Faute d'avoir du même coup l'intelligence de notre désarroi et de notre amertume, nos impatiences s'enlisent dans la glaise du présent et nous restons enfermés dans un fatalisme morose et désabusé. Le but de ce cours est de proposer des éléments pour essayer de conjurer cette malédiction. En mettant les mots qui conviennent sur cet état des choses et en proposant des concepts adéquats pour rendre lisibles les traits profonds de nos sociétés afin de permettre d'en redessiner une perspective émancipatrice. Il y a urgence, car à ce que nous percevons comme une dislocation rampante des économies et des sociétés depuis longtemps à l'œuvre, c'est en effet maintenant ajouté la perspective d'une dévitalisation galopante des démocraties aux multiples manifestations, que le terme de populisme a, entre autres, maladroitement entendu désigner. Et le spectre du terrorisme superpose en outre désormais son ombre menaçante, avec tous les bouleversements qui commencent à en dériver. C'est dans ce cadre, à une autre modalité d'exorcisme, que j'ai cherché à donner consistance. Celui d'un travail de l'intelligence qui pourchasse impitoyablement les pensées magiques et les concepts paresseux. Car ce n'est qu'au prix d'une lucidité sans retour que pourra se forger une pensée renouvelée des possibles, susceptible de surmonter ce sentiment d'impuissance qui est devenu une des expressions les plus prégnantes des malheurs du présent et des difficultés des peuples. De cette façon, j'entends bien ne pas me contenter, comme je l'avais signalé l'an dernier, me contenter d'organiser le pessimisme, comme l'avait fameusement dit Pierre Naville. C'est en effet plutôt la volonté qu'il convient d'armer efficacement pour inverser la tendance déprimante qui régit notre présent. Pour mener à bien cette entreprise, il faut se doter d'une double focale, celle d'une histoire longue, du projet moderne d'émancipation, avec ses réalisations, ses promesses non tenues et ses régressions aussi. C'est bien en effet cette histoire longue qui marque le pas aujourd'hui. Mais il faut également se doter d'une focale permettant de lire une histoire plus courte, celle du nouveau cycle de la modernité qui s'est ouvert un peu partout dans le monde, au mi-temps des années 1960, mai 1968, ayant symbolisé en France le tournant qui s'opérait alors un peu partout. L'histoire longue, c'est en tant que philosophe politique et historien des idées que j'ai depuis longtemps commencé à l'entreprendre, avec les différents volumes qui ont scandé mon travail. Mais l'histoire courte, je pense, est aussi décisive. Et on le voit bien avec le conflit des interprétations qui commence à se faire jour concernant le fameux 50e anniversaire de mai 68 et qui va tenir en haleine, mais nous pas forcément, les médias dans le premier semestre de l'année. C'est là, en tant qu'acteur et témoin, que je peux y prendre part et l'éclairer donc sur un mode spécifique que je pourrais qualifier de rapproché. Avec les limites objectif que cela implique, mais aussi le supplément de compréhension sensible que cela peut apporter. Les événements de mai 1968 ont traduit et polarisé, au sens physique du terme, une évolution qui s'est opérée dans tous les pays développés de façon plus diffuse. C'est pourquoi il convient d'observer la lame de fond qui a produit ses effets dans les années 1970 et pas seulement les manifestations printanières dans leur spécificité. Évolutions sociales et culturelles qui ont partout marqué l'entrée dans un nouveau cycle de la modernité, ouvert par l'avènement des sociétés de consommation, la montée en puissance de la valeur d'autonomie individuelle, un nouveau rapport aux autorités comme aux hiérarchies et l'irruption de la jeunesse en tant que force sociale et culturelle. Mais évolution politique également, avec l'ébranlement des partis traditionnels et la résurgence d'un idéal révolutionnaire traduit par l'éclosion de mouvements gauchistes, maoïstes, trotskistes et autonomes, même s'ils n'ont eu pour beaucoup qu'une existence éphémère. Là, plus spécifiquement pourrait-on dire dans le cas français et italien. Mon histoire n'a pas été celle de ce moment gauchiste qui a massivement retenu jusqu'à présent l'attention des chroniqueurs de la période. Étudiant, ayant eu 20 ans en 1968, j'appartiens à cette génération. Mais c'est surtout du mai profond que je peux témoigner. Celui qui a ébranlé le pays tout entier et produit ses effets intellectuels, politiques et sociaux dans les années 1970. Dès 1969, j'ai en effet été immergé dans un tout autre milieu que celui de la grande masse des étudiants. Car, dès ce moment-là, je suis devenu secrétaire confédéral de la CFDT, le syndicat, qui incarnait alors le plus directement cet esprit profond de mai. Engagement auquel faisait aussi écho mon adhésion parallèle au parti de Michel Rocard. C'est de cette façon que ma vie intellectuelle et politique s'est confondue avec ce qu'on a appelé plus tard la deuxième gauche et dont j'ai été l'un des principaux intellectuels organiques. J'ai vécu les années 1970 dans l'exaltation et la ferveur, mais cela n'avait rien à voir avec l'attente d'un grand soir à portée de main. J'avais d'ailleurs été surpris de la rapidité avec laquelle bien des gauchistes, maoïstes notamment, avaient réglé son compte à cette attente. Il ne s'agissait pas non plus pour moi d'ériger mon impatience en argument théorique. Comme des aspirants stratèges l'avaient reproché à certains révoltistes. Je voyais tout simplement qu'un nouvel horizon s'était ouvert pour repenser le changement social et refonder la gauche, et qu'un langage inédit était en train de se forger pour dessiner une alternative progressiste à l'univers que j'avais appelé, avec Patrick Vivray, mon frère d'armes de l'époque, le social-étatisme, un univers doctrinal qui était resté figé depuis un siècle dans le collectivisme théorisé par Jules Guesde et dont le programme commun de 1972 avait été l'ultime expression. Ces idées alternatives résonnaient alors puissamment dans l'opinion et modifiaient dans bien des domaines la façon de concevoir les institutions. La nouvelle culture politique, dont nous étions les théoriciens et les propagandistes, le livre portant ce titre est de l'automne 1977, nous paraissait aussi propre à dessiner de façon crédible d'autres possibles et à marquer l'entrée dans un nouvel âge de l'émancipation. Puis, les choses marqueront le pas au début des années 1980. L'horizon que nous avions dessiné commencera insensiblement à se dissiper. Les éléments de langage qui avaient forgé notre identité, je pense au premier chef au terme de référence d'autogestion, passeront au second plan. Il n'y a rien eu de brutal dans ce mouvement. Il a plutôt pris la forme d'un assoupissement progressif, d'une usure prématurée, d'un piétinement. Comment en est-on arrivé à cet enlisement ? Où a été le point de basculement, le tipping point, comme on dit en anglais, s'il y en a eu un ? Ces questions sont celles de mon itinéraire personnel, mais je les pose parce qu'elles ont une portée plus large. Elles renvoient à l'histoire même de la deuxième gauche et au-delà, à celle de la gauche en général, dont l'agonie actuelle vient de loin, de ce moment peut-être. C'est une hypothèse que je formule dans ce cours. Elles entrent aussi plus largement en résonance avec les perplexités contemporaines pour penser une alternative au néolibéralisme, car nous vivons avec évidence un moment de maturation. Je préfère d'ailleurs ce terme à celui de radicalisation, qui emporte l'idée d'une dérive problématique du cycle de modernité ouvert en 68. Notre commande du présent implique pour cela de se retourner vers ces années 1970 et l'enlisement des promesses qu'elles avaient suscitées. Mais il faut préalablement préciser les termes du problème. Cet enlisement ne me semble en effet pas relever des modèles explicatifs traditionnels des retournements d'espérance ou des dissipations d'illusions. Ces modèles traditionnels sont au nombre de trois. La théorie de la sensibilité au choc des réalités d'abord. Elle est parfaitement résumée, cette théorie, dans la célèbre définition donnée par Irving Kristol, la grande figure du néolibéralisme américain, qui disait « Un conservateur est un progressiste qui a été agressé par la réalité ». Théorie qui présuppose le caractère idéologique d'une position que certains faits amèneraient à reconnaître et donc à abandonner. Il ne s'agit pas de cela ici. Aucun fait, aucun événement notable n'est venu invalider les constituants de la culture politique de la deuxième gauche, à la différence de ce qui a pu se passer pour des approches gauchistes ou spontanéistes qui ont conduit dans ces milieux à quelques retournements de veste spectaculaires et à de massives désertions silencieuses. La psychologie politique des âges de la vie ensuite dessine une explication souvent donnée. Elle considère, ce que confirme d'ailleurs en partie la sociologie électorale, que le vieillissement est producteur de réalisme et qu'il dissout les utopies de la jeunesse. Cette théorie ne s'applique pas non plus. Cette culture politique se voulait en effet indissociable d'une culture de gouvernement et donc n'avait en aucune manière le caractère d'une utopie adolescente. La théorie de la contre-révolution, troisième lieu, n'explique pas non plus ce phénomène de piétinement et d'enlisement. Si la validité de cette théorie de la contre-révolution peut être discutée quand elle est appliquée à la situation présente, et là je pense par exemple à la thèse de Raffaele Simone, qui a écrit deux ouvrages, « Le monstre doux, l'Occident vertit la droite » et « Si la démocratie fait faillite », qui ont été publiés dans la collection Le Débat chez Gallimard entre 2010 et 2016, qui explique le virage à droite du monde au fait, dit-il, que triomphe la politique naturelle qui est fondée sur la reconnaissance des inégalités et l'acceptation des rapports de force. Alors que la gauche, qui est fondée sur l'idée d'égalité, sur la possibilité de voir organiser des compromis, définit une politique antinaturelle. Ça, c'est véritablement une définition, je dirais, de la contre-révolution. Ce qui s'est passé est d'un autre ordre. Pour l'essentiel du moins, il s'agit plutôt d'un affaissement ou d'un évanouissement de fait et non de ce qui serait de l'ordre d'un reniement ou d'une défaite. C'est ce processus que je voudrais explorer. Ce ne sont pas les idées de mai ayant esquissé les éléments de cette nouvelle culture politique dans leur contenu intrinsèque qui ont été en cause, mais leur inaccomplissement et leur prématurité. Disant cela, cette hypothèse de prématurité fait écho d'une certaine façon à un jugement que j'avais trouvé intéressant de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, qui avaient publié en 1984 dans Les Nouvelles un article qui avait pour titre « Mai 68 n'a pas eu lieu » et dans lequel il parlait de l'incapacité de la société française à assimiler mai 68, et je les cite encore, de dire que la société française a montré une radicale impuissance à opérer une reconversion subjective au niveau collectif tel que l'exigeait 68. Mon idée d'inaccomplissement et de prématurité développe cette intuition et l'organise, je pense. On peut parler en effet d'inaccomplissement en premier lieu. Il s'est d'abord agi dans les années 68 de la formulation d'idées forces, d'éléments de langage ou de concepts indicatifs qui n'ont pas trouvé de formulation théorique accomplie ou dont les modalités de traduction institutionnelle n'ont pas été suffisamment déterminées. Cela a été de façon emblématique, j'en ai parlé l'an dernier, d'une notion comme celle d'autogestion qui, après avoir exprimé l'aspiration à l'autonomie des années 1970, s'est ensuite évanouie, elle-même, d'une certaine façon, comme par un effet d'évidement, faute d'avoir été suffisamment élaborée. Mais cela a également été le cas d'une autre notion forgée à l'époque, celle de dépropriation, qui visait à reproblématiser l'idée de propriété par un éclatement des différents types de droits agglomérés dans la définition juridique classique de la propriété, l'usus, l'abusus et le fructus. Cet inaccomplissement s'est également lié, en second lieu, à ce que j'appellerais une dissociation diminuante de ces objets. L'idéal d'extension des droits et d'accomplissement des singularités a, lui, rapidement trouvé ses formulations dans le champ de la révolution des mœurs et des relations sociales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont faciles à traduire dans l'ordre juridique, donnant depuis 50 ans leur élan à une longue série de réformes sociétales qui sont allées d'une égalité plus effective entre les sexes à, tout récemment, une redéfinition du mariage comme union entre deux individus. Ces idées de mai n'ont en revanche pas alimenté de révolution dans les ordres complémentaires de la vie démocratique et du monde économique et social qui soient effectués dans le même esprit. La révolution des mœurs s'est trouvée banalisée d'un côté, tandis que les révolutions démocratiques et sociales n'ont pas trouvé de formulation d'une puissance et d'une simplicité de mise en œuvre équivalente. L'évocation, parfois, d'un projet participatif et du développement des principes contractuels dans l'ordre social n'en offrant que de formaires succès d'années. C'est pour cette raison que le sociétal s'est, depuis cette période, trouvé en avance sur le social et le politique. Si cet inaccomplissement procède des deux ressorts que nous venons d'évoquer, il tient en outre au fait que les traits de cette nouvelle culture politique ont été esquissés dans un cadre et un contexte qui n'étaient pas adaptés à leur réception et à leur développement. Je dirais que son programme était d'une certaine façon prématuré, autant que potentiellement décalé. C'est particulièrement sensible en matière de fonctionnement démocratique, par exemple, un sujet qui m'intéresse au premier chef. L'approche autogestionnaire restait en effet focalisée dans ce domaine sur l'opposition entre système représentatif et expression directe. La thématique participative, développée plus tard dans les années 1980, offrant un pont entre ces deux approches. Mais l'approche en termes de démultiplication des fonctionnalités démocratiques ou de démocratie post-électorale, que je développerai plus tard à partir d'une appréhension sur la longue durée des contradictions de l'idéal démocratique, n'était alors pas encore mûre. Il en allait de même dans l'ordre économique et social. Les années 1970, ne l'oublions pas, étaient alors encore totalement immergées dans le monde des Trente Glorieuses et du capitalisme industriel traditionnel. Dans ce cadre, les questions posées restaient celles d'un modèle de gestion des entreprises, avec par exemple la mise en place des groupes d'expression des travailleurs, la consolidation de la place du syndicalisme et des institutions représentatives, ou le renforcement du rôle du plan dans l'économie globale. L'idéal autogestionnaire des années 70 avait dans ce cadre une capacité réformiste qui était limitée aux formes de gouvernance des entreprises. Et cet idéal oscillait simultanément entre cette vision limitée de l'avenir et un rattachement à des formes anciennes d'alternatives au social-étatisme, en se réclamant, par exemple, des traditions coopératives et associatives, de Fourier à Proudhon, pour faire image, qui était opposé alors à la vision collectiviste guédiste. Et j'ai dit à quel point, dans le cours de l'an dernier, le terme autogestion regardait à la fois très loin en arrière du XIXe siècle et se projetait un peu en avant. Ce monde des années 70, il sera plus récemment totalement bouleversé par l'avènement d'un capitalisme d'innovation lié à un nouveau cycle de révolution technique, autant que par la montée en puissance d'un capitalisme financier mondialisé. Le mode de production qui en est résulté, avec l'évolution de la structure du marché du travail et de la nature même du travail qu'il impliquait, a bouleversé les termes dans lesquels on pouvait envisager l'émancipation de ce travail. Dans ce cadre nouveau, la visée d'autonomie qui avait un caractère que l'on pouvait dire prématuré dans le contexte des années 1970, pourrait dorénavant servir d'axe directeur à la définition d'une véritable alternative progressiste. Elle permettrait en effet d'envisager une autre lecture de l'individualisation du travail et d'autres modalités d'institutionnalisation du soutien public aux individus et de la solidarité collective. Je reviendrai en conclusion à cette question. C'est seulement depuis le début du XXIe siècle que l'on a pu commencer à prendre la pleine mesure de ce mouvement de maturation de la modernité dont les signes avant-coureurs, très avant-coureurs, s'étaient manifestés en 1968. Les choses apparaissent maintenant en pleine lumière avec le nouvel ordre du jour qu'elles dessinent, celui de la définition des termes d'un troisième âge de l'émancipation, faisant suite au premier âge des révolutions fondatrices, américaines, françaises, latino-américaines, haïtiennes aussi, et au deuxième âge, de la perspective marxiste-social-démocrate, liée à l'expansion du capitalisme industriel qui avait trouvé sa formulation au tournant du XXe siècle. Ce cadre général peut permettre, me semble-t-il, de relire de façon articulée la longue séquence 1968-2018 et de donner sens aux explorations, aussi bien qu'aux errements et aux retournements de cette période. En rapportant cette histoire à celle des cycles longs de la modernité, c'est-à-dire à celle des formes du capitalisme, aussi bien qu'à celle de la démocratie et du statut de l'individu, celle-ci acquiert une intelligibilité accrue, en même temps qu'elle peut aussi être inscrite dans un nouvel horizon d'attente. Et se lier du même coup, tant à des programmes de recherche qu'à une réflexion plus institutionnelle sur les modalités de mise en œuvre de ce troisième âge de l'émancipation que je viens de mentionner. C'est donc à tous égards le moment d'entreprendre cette histoire. Entreprendre cette histoire se justifie intellectuellement et politiquement, mais elle a aussi une fonction cathartique pour la génération à laquelle j'appartiens en tout cas, celle qui a eu 20 ans en 1968. Celle de rendre compte d'un piétinement qui peut dorénavant s'avouer et se comprendre comme tel, en étant inséré dans ce qui peut ainsi apparaître comme un grand détour. Un grand détour pouvant prendre in fine l'aspect d'une longue marche. Pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans pour avoir à nouveau le sentiment d'entrer dans un âge positif, pour reprendre la conceptualisation classique d'Auguste Comte? J'ai pensé que retracer dans ce cours un itinéraire singulier permettrait mieux de répondre à cette question qu'une philosophie de l'histoire, surplombant de trop haut les choses. Le retour sincère et lucide sur mon cheminement, avec ses doutes et ses perplexités, ses illusions et ses aveuglements, ne prétend pas se substituer à une histoire objective qui reste à entreprendre. Mais il permet d'en rendre plus sensibles, peut-être, les enjeux et les nœuds. C'est donc pour cela bien une histoire politique et intellectuelle de cette période que j'entends entreprendre et qui a donné son titre à ce cours. Dans le cours de l'an dernier, nous avons essayé, dans un premier temps, de retracer ce qu'avaient été les éléments constitutifs d'un point de vue à la fois intellectuel et politique de cette deuxième gauche. Je n'y reviens pas, c'est peut-être l'aspect qui est le plus connu. En revanche, nous avons dans un deuxième temps commencé à analyser les raisons qui ont conduit à ce piétinement que je viens d'évoquer. Nous en avons analysé dans le cours de l'an dernier deux modalités. Ce qu'on peut appeler la jachère des idées, au sens où il faut bien de temps en temps reposer le sol cultivé, eh bien, il faut aussi que les idées, parfois, prennent le temps de se refaire. Et dans le cours de l'an dernier, j'avais insisté sur le fait que, après avoir constaté, justement, qu'un certain nombre d'idées forces, qu'un certain nombre de concepts indicatifs n'avaient pas trouvé leur capacité de traduction institutionnelle, ou n'avaient pas suffisamment trouvé leur assise théorique, eh bien, il fallait entreprendre un travail de refondation au sens propre du terme qui permette d'aller au fond pour retrouver les conditions d'une conceptualisation adéquate de ces institutions. C'est ce que j'avais appelé l'an dernier l'entrée dans une classe de rattrapage. L'entrée dans une classe de rattrapage qui a aussi traduit le fait d'une entrée dans un nouveau cycle de la vie intellectuelle dans lequel la vie universitaire, souvent, a semblé prendre le pas sur la vie intellectuelle proprement dite. Une des choses d'ailleurs remarquables des années 70, je l'avais signalé l'an dernier, est que beaucoup des livres les plus marquants n'avaient pas été écrits par des universitaires, mais soit par ceux que l'on a qualifiés d'hérétiques consacrés ou par des essayistes à l'assise institutionnelle beaucoup plus modeste. Une figure dont on reparle ces temps-ci beaucoup, et une série d'émissions qui ont été faites à France Inter comme André Gortz, étant archétypique de cela, ou une figure aussi comme celle d'Ivan Illich, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc il y avait, premièrement, l'analyse de cette entrée dans un cycle de jachère, je dirais, de la production intellectuelle et des idées. Et puis, deuxièmement, j'avais analysé ce qui relevait, de façon en termes plus proprement politiques, d'un élément d'essoufflement politique. Je redis deux mots à propos de cette jachère des idées, car il me semble important. Car au-delà de l'entrée dans cette classe de rattrapage, au-delà des conditions dans lesquelles on est passé d'un monde intellectuel effervescent à une réflexion intellectuelle plus guidée, canalisée par les canons universitaires traditionnels, il y a eu aussi le fait absolument fondamental joué par ce que j'appellerais les limites d'une pensée négative. Une des grandes caractéristiques des idées nouvelles des années 1970, et en tout cas de la partie de ces années nouvelles que personnellement j'ai vécue et dont j'ai été un animateur d'une certaine façon à travers la Deuxième Gauche, était qu'elles étaient en partie structurées autour de trois grandes idées négatives. Une première idée négative, c'était l'antitotalitarisme. Penser qu'un élément d'identité politique de la période serait justement la redéfinition de la démocratie, mais à partir de l'antitotalitarisme. Cette redéfinition de la démocratie à partir de l'antitotalitarisme, elle avait des ressorts directement politicien, pourrait-on dire. C'est qu'à travers la question de l'antitotalitarisme, ce qui se jouait, c'était aussi le rapport au Parti communiste qui, ne l'oublions jamais, représentait alors, au moment de l'entrée dans les années 1970, plus de 20% de l'électorat, alors qu'aux élections de 1969, les socialistes avaient fait 5%. Donc il y avait un écart, pourrait-on dire, d'audience politique, et donc aussi un écart d'audience intellectuelle considérable à l'époque, entre ce qu'on appelait d'ailleurs de façon diminutive une gauche non communiste et puis ce que représentait le monde communiste. Et dans cette redéfinition des rapports politiques, l'antitotalitarisme était à la fois le vecteur d'une approche nouvelle de la démocratie, la démocratie étant appréhendée à partir de ses pathologies, à partir de ce qui la menaçait, d'une part, et d'autre part, également une approche plus proprement politique. Or, cet antitotalitarisme, qui a été créateur d'une grande identité politique, qui a été au cœur, pourrait-on dire, même de l'identité politique de la Nouvelle Gauche dans les années 1970, il s'est peu à peu effacé. Et le dernier grand moment, pourrait-on dire, de l'antitotalitarisme, ça a été le moment polonais. Le moment où, en 1981, après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, il y a eu, à l'automne, le coup de force du général Jaruzelski qui a stoppé toute la démarche positive qui était celle de Solidarnosc et qui a conduit en France à une réaction politique et intellectuelle très forte. Et ça a d'ailleurs été aussi, pourrait-on dire, le dernier moment où il y a eu, pourrait-on dire, une influence directe dans la vie politique du monde intellectuel en France, ce moment polonais. Et cet antitotalitarisme, eh bien, il s'est peu à peu, non pas désagrégé conceptuellement, et l'œuvre d'un Claude Lefort montre qu'au contraire, conceptuellement, il a continué à jouer son rôle très fortement, mais qu'il s'est désagrégé pour des raisons politiques. Après la chute du mur de Berlin, évidemment, ses raisons d'être étaient très affaiblies. Et également, parce que s'il avait ouvert la voie à une recompréhension plus exigeante de la démocratie et donné de la démocratie une définition que l'on pourrait dire sociétale et non pas simplement procédurale, car ce qui pouvait être reproché à la perversion démocratique représentée par les régimes totalitaires, c'était d'abord de les comprendre comme une interprétation perverse de l'idéal démocratique. c'est-à-dire les pensées comme des régimes qui avaient voulu radicaliser la prétention à représenter la société à travers un pouvoir qui se définissait comme étant lui-même la société. Et donc, d'un autre côté, avec une société pensée sous les espèces de son unité, dès lors qu'elle aurait été débarrassée de ses ennemis. Et la meilleure définition que l'on pouvait donner à cette époque du rêve totalitaire, c'est celle que Zinoviev avait donnée en 1919, lorsqu'il avait dit « Au fond, maintenant, c'est clair, il y a 10% du pays qui est contre nous. Dès que nous aurons éliminé ces 10%, la démocratie pourra régner de façon pleinement satisfaisante. » C'est effectivement ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si c'est la démocratie qui a régné de façon pleinement satisfaisante. Et donc, cette réflexion intellectuelle, cette approche de la démocratie par l'antitotalitarisme était quelque chose d'extrêmement puissant et important pendant cette période. Mais il est arrivé un moment aussi, je dirais dans les années 90, où il s'est agi de passer de cette vision lucide et de cette vision augmentée, pourrait-on dire, de la démocratie, à la formalisation de nouvelles modalités institutionnelles et procédurales de cette démocratie augmentée. Et cela, alors que la critique du totalitarisme avait été la grande affaire de la génération d'Hannah Arendt, puis de Claude Lefort, qui, me semble-t-il, est celui qui a porté le plus loin cette analyse du totalitarisme, eh bien, c'est dans des termes plus positifs qu'il fallait dorénavant le penser, et pas simplement à partir de cette approche. La deuxième gauche était enfin portée en termes politiques par une autre grande idée négative, c'est la critique du jacobinisme, la célébration de la société civile. Et effectivement, cette célébration de la société civile, elle résonnait aussi avec l'emploi du terme dans un certain nombre de pays de l'Est européen, comme en Amérique latine. Se réclamer de la société civile en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Russie, c'était affirmer qu'il y avait une réalité sociale qui existait en dehors de l'État, qu'il y avait une légitimité en dehors du parti. Et donc cette notion de société civile, elle était la base, pourrait-on dire, d'une revendication, de reconstitution d'une politique parfaitement légitime sur d'autres bases que celles du pouvoir. Et c'était la même chose dans la lutte contre les dictatures en Amérique latine. Toute la lutte contre les dictatures en Amérique latine s'est menée en opposant la vitalité de la société civile et les droits de cette société civile au pouvoir politique existant. Et cette vision, eh bien, elle-même, elle s'est progressivement érodée. Elle s'est progressivement érodée pour deux raisons. D'abord, parce que la société française a accepté d'entrer dans un processus dans lequel elle faisait une place de plus en plus importante à la décentralisation. C'était les fameuses lois de 1982. Et parce que dans une économie plus prospère, la société civile, elle joue de toute façon un rôle de plus en plus grand. Donc cette critique du jacobinisme, elle avait moins d'objet également parce qu'elle reposait en partie sur une vision simplificatrice de l'histoire de l'État français et une interprétation simplificatrice de ce rapport de l'État français à cette société civile. Et c'est pour, en quelque sorte, essayer de compliquer cette vision des rapports entre l'État et la société civile que j'avais de mon côté rédigé le livre sur l'histoire de l'État en 1990, puis celui sur les rapports entre l'État et la société civile dans un ouvrage publié plus tard. Il avait fait l'objet de mon premier cours au collège, qui s'appelait « La société civile contre le jacobinisme, le modèle politique français ». Donc là aussi, cette critique du jacobinisme qui donnait une identité critique, pourrait-on dire, à la deuxième gauche, s'est assoupie. Et puis le troisième grand volet de l'identité critique de la deuxième gauche, c'était celui de son combat contre les archaïsmes. Souvenons-nous que lorsque Michel Rocard avait parlé au lendemain des élections législatives de mars 1978, que la gauche venait de perdre de justesse, il avait accusé les archaïsmes du pays et de la gauche d'être coupables d'une telle défaite. Mais cette vision des archaïsmes, elle était très liée à ce moment-là à toute une compréhension d'un monde qui était le monde de la technocratie soucieuse du long terme, qui était le monde de la critique des partis et qui était en quelque sorte menée par toute une vision de la modernisation telle qu'elle s'était menée dans les années 60 dans la société française. Et progressivement, cette vision d'une modernisation qui était en quelque sorte l'apanage d'un groupe de modernisateurs n'a plus le même sens dans une société qui était devenue une société à la fois plus éduquée, plus adulte, et qui n'avait plus besoin de modernisateurs pour combattre ces archaïsmes. Pensons qu'il y a eu une période en France, qui était encore celle de la France de Georges Pompidou, justement au lendemain de 1968, dans laquelle c'est dans le cabinet du président de la République que se décidaient les OPA et que se décidait toute la stratégie industrielle du pays après que les chefs d'entreprise aient été convoqués. Et même chose du point de vue social pour les syndicalistes. Donc, du point de vue de cette triple définition critique, l'antitotalitarisme, la critique du jacobinisme, la dénonciation des archaïsmes, eh bien, ces éléments d'identité critique se sont progressivement dissous, ou en tout cas très fortement affaiblis. Et cela a été le premier grand facteur d'ordre proprement intellectuel, pourrait-on dire, concernant les idées, de ce piétinement. Le deuxième facteur, il était d'ordre plus politique. Ce facteur d'ordre politique, il avait au moins deux dimensions. Une première dimension, c'est que les idées de la deuxième gauche ont été des idées qui se sont progressivement, totalement identifiées à un courant politique. Au début des années 1970, les idées de la deuxième gauche, elles étaient les idées d'une nébuleuse dans lesquelles la CFDT joue un rôle important, mais qui était très largement représentée par tout un ensemble d'associations, par tout un ensemble de mouvements sociaux, par tout un ensemble, je dirais, un mouvement culturel au sens le plus large du terme. Et peu à peu, il y a eu comme une sorte de polarisation, sinon d'appropriation politique, au sein d'un courant spécifique du Parti socialiste, qui était le courant de Michel Rocard. Et donc, cette identification entre une nébuleuse intellectuelle et un courant spécifique a conduit, paradoxalement, à l'affaiblissement de ce courant spécifique. Ce courant spécifique, tel que Michel Rocard l'avait défendu dans son fameux discours sur les deux cultures politiques, directement inspiré du livre que nous avions publié avec Patrick Vivray, a été à la fois un élément de positionnement dans le Parti socialiste, mais en même temps un élément d'affaiblissement des idées en général. Et Michel Rocard, avec qui, peu de temps avant sa mort, j'ai engagé un dialogue devant les étudiants de rue d'Ulm de Normale Sup, l'avait lui-même reconnu. Cette perte d'influence qui était paradoxalement liée à une polarisation politique. Le deuxième élément absolument fondamental de l'enlisement, de l'essoufflement politique, c'est celui de la difficulté qui était récurrente de trouver les conditions du lien entre une culture de gouvernement et une culture de la réforme sociale. C'était le grand problème historique du socialisme français. Car les socialistes en France, et on peut dire la gauche en général, puisque ça valut aussi bien sûr pour les communistes, ont vécu en se référant à trois grands modèles du rapport au fait de gouverner et à l'occupation du pouvoir. Le modèle de l'abstention révolutionnaire, le modèle de la culture des 100 jours et le modèle de la schizophrénie acceptée. L'abstention révolutionnaire, c'était le point de vue qui était dominant au XIXe siècle, qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas de partager le pouvoir dans un monde bourgeois, comme on disait à l'époque, mais qu'il fallait simplement se préparer à l'occuper quand le capitalisme s'effondrerait. On ne peut pas séparer, ne l'oublions pas, la vision social-démocrate et pas simplement marxiste, la vision social-démocrate du monde industriel à la fin du XIXe siècle de celle du fatalisme économique. Il a été défini très puissamment par un Kautsky qui n'était pas marxiste du tout, qui consiste à dire qu'il faut attendre que le capitalisme s'effondre pour que le monde ouvrier se charge de réorganiser le pays. Donc ça, c'était l'abstention révolutionnaire, en disant il n'y a pas à gérer le monde capitaliste tel qu'il existe, l'occupation de pouvoir n'a de sens que lorsque ce capitalisme s'est effondré. Et il s'effondrera inéluctablement, c'est évidemment un des points centraux de la théorie de Marx. La deuxième approche était ce qu'on peut appeler la culture des 100 jours. C'est de dire, le rapport de la gauche au pouvoir doit être un rapport de blitzkrieg éventuellement. On peut gagner des élections, mais il n'est pas question d'occuper le pouvoir. Mais pendant une centaine de jours, de faire un certain nombre de réformes les plus élevées possibles, et ensuite laisser la droite payer l'addition pendant les années qui suivent. Donc c'était la vision du cartel des gauches. Puis c'était bien sûr la vision de Léon Blum avec toutes ces fameuses distinctions qu'il a développées entre la prise du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et je crois que sur ce point, il y a eu quelque chose qui a beaucoup marqué la culture de gauche, c'est de dire que on peut occuper un pouvoir dans une société qui n'est pas encore socialiste, à condition que ce soit pour faire ce blitzkrieg, et puis lancer quelques grandes réformes, et ensuite laisser le temps de la digestion de ces réformes par la gestion qu'on espérait précautionneuse de la droite. Le troisième modèle est celui de la schizophrénie assumée. C'est de dire on peut être simultanément opportuniste et révolutionnaire. Et donc celui qui a donné le modèle de cette schizophrénie assumée, ça a bien sûr été Guy Mollet en France, qui était le plus intransigeant des marxistes et en même temps le plus opportuniste des politiciens. Et cette question, elle n'a jamais été réglée sur le fond. Elle n'a jamais été réglée sur le fond, et même lorsque le Parti socialiste a réussi son congrès d'unification en 1971, il n'a pas véritablement tranché. Il n'a pas dit quelle est la place que pouvait avoir une culture de gouvernement dans les idées socialistes. Il a dit qu'il ne fallait pas, c'était la formule de François Mitterrand, il ne faut pas avoir peur de gouverner. Mais en même temps, il se prémunissait des critiques éventuelles de sa gauche en disant que celui qui n'est pas un adepte de la rupture avec le capitalisme n'a pas sa place dans le parti. Donc d'une certaine façon, c'était une version, disons, édulcorée de la schizophrénie assumée. Et cette version édulcorée de la schizophrénie assumée, eh bien, elle s'avérera très coûteuse dans le tournant de 1983. Car ce tournant de la politique économique de 1983, il n'aura pas trouvé son langage et sa définition théorique. Donc voilà les deux premières façons de concevoir le piétinement à partir de cet essoufflement politique et, disons, de cet inachèvement intellectuel. Et dans le cours qui va venir, je vais dégager une troisième forme d'explication. C'est une explication par l'engourdissement. Pas simplement des mécanismes intellectuels, politiques, mais des mécanismes presque physiologiques et psychologiques d'engourdissement que je vais décrire ensuite. C'était les cours du Collège de France le 10 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, suite et fin. Aujourd'hui, épreuves et exorcismes, première partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Et je rappelle l'ouvrage collectif « La démocratie à l'œuvre » autour de Pierre Auzan-Vallon, sous la direction de Sarah Almatari et de Florent Guénard au Seuil en 2015. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire politique des années 1980-90 en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.